zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, l'émission qui, chaque deux fois par semaine, vous parle de le sport un peu partout à travers la planète et surtout en Mauricie. Là, vous êtes à la maison, vous vous demandez comment ça l'Inconduite de partie, est-ce que j'écoute une reprise? Non, l'Inconduite de partie n'a jamais eu de reprise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, c'est pas plus compliqué que ça, on va avoir deux émissions pour la prochaine session, pour la prochaine saison, devrais-je dire, de C'est fou 89.1 et bon ben... Comme toujours, on vous livre l'information, mais on va vous en livrer encore plus à deux fois par semaine. Le lundi, parce qu'on revient de la fin de semaine, hein? On sait que les fins de semaine, on en a beaucoup. Et le vendredi, parce que, bon, tout ce qui s'est passé dans la semaine, on va vous analyser ça en profondeur. Alors, se joint, comme toujours, à l'émission, se joint à nous, Philippe Doucet, au micro 5. Ça va bien, Philippe? Ça va très bien, Nico, toi? Passez un beau temps des fêtes. Oui, beaucoup de repos. Beaucoup de repos. Hey, on va souhaiter bonne année à tous nos auditeurs. Ben oui, bonne année, effectivement. Hein? Bonne année tout le monde, santé, c'est tout ce qui est important. Donc, comme dirait ma tante, hey! Non, pas de succès dans tes études. Hey, une petite blonde, peut-être? Ah, okay. Mais non, j'en ai une. J'ai pas. Et au micro 2, un petit nouveau ce matin, Marc-Antoine Lavoie. Comment ça va, Marc-Antoine? Ça va très bien. Bonjour, Nicolas. Alors, ce matin, Marc-Antoine, tu en es à ta première émission radio à vie. Là. On a une vierge avec nous, un puceau de radio. Ouais, un puceau de radio. Un beau baptême ce matin, un baptême. À la conduite de partie. Salut, Philippe. Salut, Marc-Antoine. Pas trop nerveux? Ah, ben non, un bon stress. Ah, on va voir ça. Marc-Antoine qui aujourd'hui va nous parler des Bulldogs d'Hamilton, leur début de saison. On va intégrer ça au segment canadien. C'est une autre là. Nouveauté de l'inconduite de partie cette session. Oui, ben écoute, le fait d'avoir deux shows par semaine, on va pouvoir aller dans beaucoup plus de sujets et beaucoup plus de choses. Donc, c'est une des nouveautés. On n'en parlera peut-être pas justement à toutes les émissions. Ça serait étonnant parce que Hamilton, c'est loin. Là. C'est loin pour appeler le coach. Puis Randy Cunningham. Randy Cunningham. Donc, c'est loin, mais on va vous agir un mot sur les meilleurs espoirs du Canadien de Montréal. Donc, c'est une des choses qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du soccer européen. Tu m'as dit que les poules ont été sorties. La Champions League, ben, en fait, en l'après-midi de notre dernière émission en 2010, les poules de la Champions League ont sorti. Donc, je vous parle de ça dans la ronde des 16, un peu plus tard dans l'émission. D'accord, on va avoir aussi, c'est ce soir, championnat national, football, collégial américain. JP Grenier va se joindre à nous par téléphone, va nous parler de tout ça, tout ce qui s'est passé un petit peu pendant le temps des fêtes. Gros week-end aussi, wild card dans la NFL. On va voir si on a le temps de toucher à NFL, parce qu'on va parler junior majeur, c'était la période des échanges, on va revenir là-dessus. Les Cataractes qui ont été très actifs pour une équipe qui est en milieu de classement. Je m'attendais pas à les voir actifs autant que ça, mais qui ont été très, très, très actifs. Je vous parle des Patriotes, et est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense que c'est pas mal. Le hockey en Mauricie. Et le hockey des Patriotes, c'est ça. Ben oui, le hockey en Mauricie, hockey Patriotes. Donc, c'est pas mal le canevas pour cette semaine. Ça va être long à apprendre pour aujourd'hui. Donc, de l'émission. Et on va tout d'abord aller à la musique. On va aller écouter du Alexandre Desilets avec la chanson. Qu'est-ce que je fais jouer? Le repère. Et vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou! ça à l'œil, toi et toi, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de trop, puis je vous suspends, toi et toi. Écoutez c'est... l'hymne national! L'inconduite de partie. C'était Alexandre Desilets avec la chanson « Le repère ». On va maintenant parler des Patriotes de l'UQTR qui étaient en action hier contre l'Université Queen's des Golden Girls qui se déplaçaient à Trois-Rivières. C'est le match qui était reporté en raison de la non-regardage d'horaire du côté genre, de Queen's. Je ne sais pas ce qui s'est passé de côté de Queen's avant le temps des fêtes. Donc, on a reporté le match-là. Donc, automatiquement, pas beaucoup de monde quand tu reportes un match. C'est souvent ce qui arrive du côté des Patriotes. Un total de 151 personnes, donc c'était pas très fameux. Localisé, dans le Big House. Ouais, c'était assez vide. C'était assez vide. Le Marc-Antoine qui est venu voir ça et qui en était à sa première expérience. Je pense que tu as bien aimé le calibre de jeu qui se présentait. Ouais, bien surpris. Des fois, on pense pas à ça, d'aller voir le hockey universitaire. Puis j'ai été déçu, justement, de voir le peu d'étudiants. Ouais, ah non, c'est un fait. C'est difficile, mais là, au moins, les Patriotes sont en action ce mercredi contre Concordia. Donc, avec j'espère. Les matchs de milieu de semaine, généralement, là, c'est pas mal plus. Il y a un peu plus de monde, ouais. Là, mais ça prendrait quand même, tu sais, je sais pas, là, une activité. Même ça fait 10 ans qu'on dit ça. Ouais, j'étais pas là les 6 premières années de mes 10 ans, mais. Ouais, moi non plus. Au moins, depuis les 4 dernières années, ça je le disais quand j'étais en secondaire 5 puis je connaissais pas l'UQTR. Donc, c'était une victoire de 3-1 de la part des Patriotes contre une équipe de Queens qui ne s'est tout simplement pas présentée. Ils y étaient de corps, mais certainement pas d'âme. Une équipe amorphe qui s'est présentée sur le terrain glacé. Et vraiment, là, du côté des Patriotes, une domination. Tout s'est joué en deuxième moitié de première période. C'est là que les Patriotes ont inscrit leurs 3 buts. Tout d'abord, Steve Bellefleur à 11 minutes 20 sur une belle passe de la part de Maxime Lévesque. J.S. Breton est venu faire son 8e de la saison deux minutes plus tard sur une passe. Il me semble que c'était Demers qui était en échappé avec lui. C'était un 2 contre 1. Ouais. Et finalement, on a donné l'aide à Lessard. Donc, bon, on va comme ça, mais il me semble que j'avais vu Demers sur le jeu. Et finalement, alors qu'il restait moins de 3 minutes à la partie, à la période, devrais-je dire, c'est Guillaume Chicot, un défenseur qui a été très patient, qui a attendu vraiment s'approcher un peu du filet. Guillaume, qui est défenseur et qui a trouvé le trou entre les jambières du gardien Steele DeFazio du côté de Queens. C'était 3-0 et le reste de la partie, écoute, on a eu beaucoup d'opportunités de compter de la part des Patriotes. Félix Petit qui a joué un match, écoute, Petit ramasse une aide sur le but de Chicoine, mais aurait pu compter au moins 3 ou 4 buts. A été partout hier du côté de Félix et on en avait parlé depuis le début de la saison. Félix Petit ne connaissait pas une très bonne campagne. Pas par manque d'effort, mais il y a de quoi qu'il allumait pas dans son cas. Et malheureusement, ça se répercute au niveau de ses chiffres. Lui qui avait plus qu'un point par match la saison dernière et qui, cette année, voyez-vous, là, je vous sors ça rapidement du côté de Félix, 15 points en 18 matchs. Mais hier, on a vu un tout autre Félix Petit. Je pense le Félix Petit que les Patriotes ont besoin si on veut se rendre loin en série. Et c'est de très bon augure. Jean-Christophe Blanchard qui a perdu son blanchissage alors qu'il restait moins de 2 minutes à la partie. Il faut croire que quand tu as les orteils gelés, c'est un petit peu difficile du côté de faire des arrêts. Je vous dis ça pourquoi? Après deux périodes, les Golden Girls n'avaient décoché que 8 tirs sur le but de Jean-Christophe, justement, alors que les Patriotes, au total, en ont décoché 35 dans la partie. Finalement, en troisième période, on s'est pris un petit peu. On termine avec 17 tirs, ce qui n'est pas très bon du côté de Queens. Pas très inspirant comme performance. Je sais pas si le voyage de retour est assez long. Oui, pour retourner à Kingston, c'est un petit bout en plus. Et on peut parler aussi que c'était la 300e victoire de Jacques Laporte à la barre des Patriotes en saison. Donc, 300e victoire pour lui, c'est un bon résultat. Hey, un petit fait spécial aussi, l'arbitre était Nicolas Leduc. Nicolas Leduc qui a joué avec les Patriotes il y a quelques années, qui est maintenant arbitre et qui, lentement mais sûrement, grimpe les échelons du hockey, de l'arbitrage de hockey. Et en plus, qu'il y a Nicolas qui n'est pas petit, ce qui est un gros avantage pour un arbitre qui compte faire carrière là-dedans. Je peux dire peut-être félicitations, mais c'est juste spécial de voir. Bonne chance surtout, qu'on devrait dire. Donc, on va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte après cette partie, s'il avait apprécié là, ses impressions du match. Tout était là du côté offensif. Là, des gars comme Petit, des gars comme Breton ont utilisé la vitesse. Ça a été explosif. On a pu rouler aussi à cause de l'allure du match. On a pu rouler pas mal tout le monde. Là, ça a été profitable. Donc, il nous manquait quand même Charland puis Bronson. Belle avance Martin. Donc, c'est quand même deux gros canons à l'attaque. As-tu aimé ce que tu as vu des gars qui ont remplacé Jonka sur le deuxième, Bellefleur aussi qui était cherché un but? Oui, écoute, Jonka, il a manqué. Ce qui manquait, c'est la touche finale parce que travaille tellement, il y a tellement de détermination que tu dis, à un moment donné, ça va finir par être payant, mais il provoque tellement d'affaires qu'au moins ça c'était là. Puis la même chose pour Petit, il ramasse pas de points, mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus à Félix, là, que à un moment donné, à force d'utiliser, de travailler comme il l'a fait là, ça va être payant, en tout cas. Pour nous autres, là, c'est des atouts importants, ces gars-là. Là. Alors, c'était Jacques Laporte qui mettait ses commentaires suite à ce match. Il a parlé de Félix Petit. On vous en parlait tantôt aussi là du côté de Félix. Bon, comment que sa saison se déroulait depuis le début. On va aller écouter ses commentaires. Je lui ai demandé, s'il s'était mis des objectifs, puis comment qu'il voyait la deuxième moitié de saison. Donc, on va aller écouter ce que Félix avait à dire. Moi, mon but, c'était vraiment qu'on se rende jusqu'au bout. Puis, je sais que mon rôle va être quand même très important. Puis, c'est certain que je veux mener cette équipe-là là, avec les autres leaders là, jusqu'à la fin. Là. Être le meilleur à chaque match, c'est mon objectif. Puis, on travaille là-dessus. Donc, Félix Petit, qui... vraiment, du côté de Félix, j'ai aimé ce qu'il avait à me dire hier. Je trouve que il a une belle attitude par rapport quoi, gars, ça allait pas super bien. Et, c'est Félix va se reprendre en deuxième moitié de saison. De toute façon, c'est là que ça se met à compter. Là, ouais, sait, là. En plus, c'est bien aussi, belle attitude, parce que ça risque d'être dans les prochains leaders offensifs aussi de la formation. Là. Félix, Charlin, Breton, il leur en reste pour un an, deux peut-être dans le cas de Charlin. Donc, Félix Petit qui va devoir prendre les choses un peu plus en main aussi. Oui, non, exactement, là, de son côté. On va voir ce que ça va donner, là, mais comme je m'en ai dit, on le sait, les Patriotes, c'est en série que ça se décide. Hein, combien de fois on est arrivé champion de la saison, presque sans défaite du côté des Pats, et que finalement, rendu où est-ce que ça compte, on l'échappait. Donc, c'est arrivé souvent et on va espérer du côté des Patriotes que ça n'arrive pas. Au niveau du classement, les Patriotes sont toujours deuxième dans la division S des Sports universitaires de l'Ontario, avec une récolte de 26 points. Ils sont présentement à 12 points de McGill, qui sont toujours sans défaite en temps régulier. Par contre, du côté des Redmond, on a deux matchs en main. Et surtout, hier, on a joué un match, on l'a remporté 6-2, si je ne me méprise pas. Mais Francis Véropol a été blanchi de la feuille des marqueurs. Donc, très rare du côté du terrible rouge. Francis Véropol qui est régulier comme une horloge. En troisième position, c'est Carlton qui ont deux points de retard sur les Patriots. Dans le fond, hier, on prenait le match en main que les Patriots avaient sur les Ravens. Et on l'a emporté. Nipissing, son quatrième, avec 23 points. Donc, à 3 points des Patriots, un match en main. Et Ottawa, 21 points. Concordia, 6e avec 17 matchs, 18 points à 17 matchs, donc deux matchs en main plutôt sur Ottawa et Nipissing qui sont en avant d'eux. Et Concordia va se présenter ici ce mercredi. Les Stingers vont être en ville. Stingers, on avait bien commencé la saison, mais dernièrement, voyez-vous, là, on est sur une série de 5 défaites consécutives. On a perdu 6 de nos 10 derniers matchs. Donc, ça allait bien jusqu'aux 5 derniers matchs. Quoi, est-ce qu'on perd, on perd. Et de la façon que j'ai vu les Patriots jouer hier, je pense pas que c'est de bon augure pour les piqueurs du côté des Stingers. Les piqueurs. Donc, c'est pas de très, très bon augure. Dans l'Ouest, Western toujours premier avec 31 points, suivi de Lakehead avec 27 points. Et Laurier en troisième position avec 26. Je vous parle d'un joueur qui ne jouera pas avec les Patriots cette saison. C'est Marc-Antoine Desnoyers, l'ancien défenseur des Voltigeurs de Drummondville, qui a décidé... Écoutez, les Patriots avaient fait beaucoup de recrutements de son côté pour tenter de l'avoir. On sait que Desnoyers aurait été très utile du côté de la défensive, mais qui malheureusement a décidé de plutôt, alors qu'il avait dit oui aux Patriots, a décidé de se rapporter aux les Reds, oui, les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Les Reds vont recevoir le championnat national cette année cette année et l'an prochain. Donc j'ai l'impression qu'on a utilisé ça comme argument de vente du côté de la troupe nouveau-brunswickoise. À ce côté-là, on sait aussi que les Reds, ça attire beaucoup, beaucoup de monde. On parle de 2000 à 3000 personnes au John Aitken Center. C'est peut-être ce qui a joué dans la balance du côté de Marc-Antoine, mais c'est dommage parce que ça aurait été très intéressant. Hey, je change de sujet, je vous parle de volleyball. L'équipe de volleyball des Patriots est en action en fin de semaine. On sait que l'équipe de volleyball évolue dans une division 2, si on veut. Ils vont pas affronter les grosses forces, mettons Laval et Sherbrooke et je pense Montréal qui ont un bon programme. Ils vont plutôt affronter certains cégeps. On est dans une période de rodage. Éventuellement, dans quelques années, on pensera peut-être monter de calibre, mais pour l'instant, non. Ils disputaient en fin de semaine de la Coupe de l'Est du Canada, donc qui disputait plusieurs matchs dans cette fin de semaine. Ils l'ont tout d'abord apporté 3-0 face au cégep Lionel Groulx. On sait 3-0, c'est 3 manches là, pour ceux qui connaissent pas. Se sont toutefois inclinés par la marque de 3-1 suivant contre le cégep de Bois-de-Boulogne. Lors de leur troisième match contre l'université Trent, ils l'ont emporté 3-0. Donc on voit que certains cégeps sont meilleurs que les universités. Quand même drôle un peu de voir ça, mais quand c'est un programme qui débute, il n'y a pas à s'inquiéter. Et ils l'ont ensuite emporté 3-0 contre le cégep de l'Outaouais. Et finalement, lors de leur dernier match, ils l'ont échappé 3-0 contre le cégep FX Garneau. Donc, c'est ce qui conclut pas mal pour les Patriotes cette semaine. Toujours pas de top 10 de sortie, là. On va voir ce que ça va donner. On sait que je reviens sur le hockey, là, en passant. Le top 10 en date du 7 décembre était. Les Patriotes étaient 10e. On a un top 10 qui sort les mardis. Donc, on va voir ce que ça va donner demain. Du côté des Pats, est-ce qu'on va avoir monté? J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir gagné une position. Parce que les Cats sont en avant des Patriotes. Est-ce que c'est mérité? Actuellement, 10e. Ça reste à voir. Actuellement au 10e rang, les actuellement Pats. Au 10e rang, exactement. Donc, on va aller à une pause. Au retour, Jonathan Robert-Jouy de l'Hebdo du CMA se joint à nous. On va parler de hockey junior majeur. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Très C'est fou dans vos oreilles. 89. 1. Bonjour, je suis Michael Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Yeah. Dropkick Murphys avec la chanson State of Massachusetts. On va maintenant parler d'hockey junior, la période des échanges qui était durant le temps des fêtes, qui s'est terminée il y a quelques jours. Et ce joueur à nous de l'hebdo du Saint-Maurice, Jonathan Robert, ça va bien, Jonathan? Salut, Nicolas. Ça va très bien. Bonne année? Allez, pareillement. Bonne année, santé comme toujours, comme on dit. Là. Jonathan, petite question pour toi à travers tout ce que tu as pu voir durant la période des fêtes. Les Cataractes ont quand même été actifs, mais c'était une des seules équipes qui s'est lancée dans les dépenses. Ben, pas dans les dépenses, mais dans les échanges de cadeaux, si on peut dire. Oui, ben faudrait pas oublier les Sea Dogs de Saint-John qui ont quand même fait quelques acquisitions, notamment celle d'Éric Gilina et du gardien de but Corbeil Thériault. Alors, les Sea Dogs ont quand même changé le portrait pour cette année, mais je pense qu'effectivement, en bout de ligne, là, l'équipe qui se sera le plus améliorée, non pas seulement pour cette année, mais également pour l'an prochain, ce sont les Cataractes. Oui, en effet. Et du côté des Cataractes, par contre, un qu'on s'attendait pas à voir partir, vu qu'on venait d'aller chercher, c'est Garrett Clark. Mais je pense que l'offre qui est venue de la part... voyons, j'ai un blanc. De la part des Cadibateurs, c'était vraiment inespéré, là, un premier choix comme ça, de même donné. Oui, ben en fait, il y a deux choses qu'on doit comprendre de cette transaction-là. Premièrement, c'est que les Cataractes avaient acquis Ryan Cavanagh quelques jours plus tôt. Alors, à partir de ce moment-là, les Cats qui se retrouvaient avec un surplus de défenseurs assez intense, là, on avait neuf joueurs à la ligne bleue. Martin Mondou, qui, d'entrée de jeu, ne s'attendait pas à échanger Garrett Clark. Toutefois, lorsque l'offre du Titan est venue, ben là, il y a eu une réflexion qu'il a dû se faire parce que là, avec neuf défenseurs, c'est clair qu'au moins un devrait partir. Maintenant, Garrett Clark, qui est un défenseur dans le même moule que Ryan Cavanagh, un défenseur à caractère offensif, Cavanagh sera là pour l'an prochain. Alors, c'est lui qui, vraisemblablement, va diriger l'attaque massive l'an prochain. Alors, à ce moment-là, Garrett Clark, qui aurait pu être employé à ses côtés ou encore sur la deuxième vague d'attaque massive, mais elle était un peu moins indispensable, entre guillemets, et à ce moment-là, l'offre qui a été reçue, bon, oui, ce premier choix, qui doit-on le rappeler, là, bien que ça n'a toujours pas été confirmé par l'organisation des Cataractes, reviendra au Titan au cours de la période de repêchage et sera échangé en retour de Vincent Arsenault. Donc, c'est un gros bonhomme qui frappe, qui peut se mettre devant le filet, très intimidant. En anglais, le terme là, qu'on emploie couramment, et voilà, c'est un power forward qui peut jeter les gants, qui a inscrit 26 points jusqu'à maintenant cette année, mais 96 minutes de pénalité. C'est un des gars les plus craints dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, il est dans le même moule que Maxime Legault. Toutefois, il est plus... tough, si vous me permettez l'expression. C'est vraiment une bonne acquisition là, qui sera faite par les Cataractes cet été. Alors, c'est ce qui explique là, pourquoi Mondou s'est départi des services de Garrett Clark. On va venir se grossir un peu pour affronter les équipes des autres ligues si jamais Coupe Memorial il y a. Ouais, ben tout à fait. Là, c'est avec ce genre de bonhomme là que les Cats vont aller à la guerre. Alors, ben dans un premier temps, là, on se souviendra qu'ils avaient échangé Joey Dubé au Rempart de Québec. Par la suite, Garrett Clark à Acadie Batters. Dans les autres transactions, ben on l'a mentionné, c'est Ryan Cavanagh qui s'est amené à Shawinigan, une bonne acquisition. J'aimerais que tu me parles un peu de lui, Ryan Cavanagh, avec Rimouski quand même. Tu me parlais d'un défenseur offensif, mais lui il ne voulait plus évoluer à Rimouski, semble-t-il. Ouais, ben en fait, il avait demandé une transaction pour le bien de sa carrière. C'est que là-bas, on l'employait évidemment en attaque massive. Il a 42 points cette année. À son arrivée à Shawinigan, ça en faisait le meilleur pointeur de l'équipe, bien que ce soit un défenseur. Alors, à 42 points, lorsqu'il est arrivé à Shawinigan, on l'employait sur l'attaque massive, un peu à 5 contre 5, et on ne l'employait pas trop en désavantage numérique. Et lui aurait préféré avoir un rôle plus complet pour, évidemment, le bien de sa carrière. Lui voit le temps avancer, rendu à 19 ans, toujours pas de contrat professionnel ni de repêchage. Alors, lui veut profiter d'une visibilité maximale. Et à Shawinigan, ben, c'est certain là, qu'il y aura plus de recruteurs qu'à Rimouski pour le voir, vu la situation géographique des Cataractes. Alors, pour lui, dans la liste des équipes pour lesquelles il désirait évoluer, évidemment que Shawinigan était là, et il était très heureux de se rapporter à l'équipe qui l'ont obtenu, je vous rappelle, contre un choix de première ronde, celui de Cap-Breton. Il devrait être figuré là, parmi les premiers choix de la ronde, peut-être même le premier au total. Si jamais le choix est dans le boulier, la transaction s'arrête là. Si jamais le choix de Cap-Breton n'est pas dans le boulier, les Caps qui vont également céder un choix de troisième ronde. Comment ça fonctionne le boulier? C'est les deux équipes qui ne participeront pas aux séries éliminatoires cette année. Il y aura une pige, un tirage au sort qui sera fait entre ces deux équipes-là pour savoir qui sélectionnera le tout premier choix au repêchage du prochain encamp. Alors, c'est l'entente là, avec l'Océanique de Rimouski, un prix qui est bien peu payé selon plusieurs directeurs gérants. Ben oui, c'est ça. Quand même surprenant. Je pense pas qu'on l'a vu venir du côté des pronostiqueurs, un échange comme ça quand même. Non, mais on savait qu'il y avait un intérêt marqué des cataractes envers Ryan Kavanagh. Okay. Ça fait déjà quelques temps là, qu'on savait que Martin Mondou travaillait pour acquérir ses services. Toutefois, on s'attendait à ce que le prix soit beaucoup plus élevé que ça si jamais Mondou parvenait à sortir Ryan Kavanagh, la chose qui a été faite. Et finalement, Raphaël Pouillot qui s'est dirigé vers Montréal et Danny Potvin, Marc-André Kaiser prennent la route de Cap-Breton contre un sixième choix. Jonathan, Philippe-Michel DeVos, meilleur marqueur de la Ligue, se dirige vers Gatineau. Qu'est-ce que tu penses de cet échange-là? Premièrement, très cher payé, deux choix au repêchage, un choix de deuxième ronde et Benjamin Laliberté qui s'en vont du côté de Victoriaville. Alors, c'est cher payé pour les Tigres. Maintenant, j'ai hâte de voir s'il y aura considération future. Fort probablement qu'un de ces choix au repêchage-là, le choix de première ronde, un des deux du moins, devrait retourner là, pour échanger un joueur. Il n'y a toujours pas d'informations qui ont coulé là-dessus, là, mais jusqu'à maintenant, c'est suspect un peu quand même, là, deux joueurs repêchage et un choix de deuxième ronde et un jeune espoir pour Philippe Michael DeVos. Néanmoins, c'est toute une acquisition pour les Olympiques de Gatineau. Ils seront à surveiller hier. C'est eux qui ont battu le Junior de Montréal. Et Nicolas, j'aimerais revenir juste sur un point que les Cataractes ont fait durant la période des transactions. C'est la meilleure transaction, selon moi, de Martin Mondou. Certains seront pas d'accord avec moi et diront tout de même que c'est Ryan Kavanagh, mais pour moi, sa grosse acquisition jusqu'à maintenant, c'est Peter Zacharis qui a accepté de rejoindre l'équipe. C'est un joueur qui a été repêché par l'équipe en 2009, qui avait pris la route des États-Unis. Et il a accepté de se joindre aux Cataractes durant la pause des Fêtes. 4 buts à ses 3 derniers matchs. Il joue maintenant sur la première ligne avec Benjamin Cazavant et Dave Labrecq. A fait des flémèches énormément contre Québec et hier contre les Foreurs. C'est lui qui a 2 buts hier contre Québec. En avait inscrit un, a bien failli en inscrire 2 également. Il est employé sur l'attaque à 5, qui est vraiment un joueur qui est rapide, qui a de bonnes mains, il est intelligent avec la rondelle. Et ça, selon moi, c'est le plus gros coup de filet des Cataractes cette année. Donc, le fait de pouvoir aller chercher, c'est le deuxième joueur qu'on va chercher l'an passé, c'était Jean-Laurence Beauchemin qu'on avait été chercher aussi dans la USHL. Et on continue le bon travail du côté des Cataractes. Penses-tu que c'est, ça va être niaiseux à dire, mais le fait que l'équipe a tellement une attitude professionnelle depuis l'arrivée du centre Bionès, les installations sont meilleures, c'est le genre de choses qui viennent jouer énormément dans la balance? Bon, assurément. Toutefois, il y a une très, très, très grande différence entre Potvin, Pouliot, Beauchemin et compagnie, ouais. Ces joueurs qui proviennent des États-Unis, et Peter Zacharis. La différence, c'est que Zacharis, lorsqu'il a quitté le Québec, il s'en allait pas USHL pour courir après ses bourses. Il les avait déjà en poche, une promesse de bourse d'études de l'Université Clarkson aux États-Unis. Alors, c'est pourquoi il a été repêché aussi tardivement, il y a 2 ans. Il était parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue Midget 3 du Québec. Il n'y a aucune formation qui l'a réclamé parce que tout le monde savait que sa venue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec était pratiquement impossible. Alors, les Caps qui ont pris un pari en 10e ronde ont dit, bon, tant qu'à rien sélectionner ou tant qu'à sélectionner un joueur là, qui n'évoluera probablement jamais dans notre Ligue, on est aussi bien de prendre ce pari risqué là. Et aujourd'hui, force est d'admettre que ça a payé. Ce qui s'est passé, c'est que Zacharis a complété ses études secondaires ici au Québec et il y a eu un problème de reconnaissance des études avec la NCAA. Alors, il manquait de crédit pour aller dans la NCAA. Alors, à partir de ce moment-là, il avait 2 options. Ou bien, il perdait encore 2 années et se joignait à l'Université Clarkson. Ou bien, il se rendait immédiatement chez Shawinigan pour poursuivre son développement en route vers les circuits professionnels. Alors, c'est ce qu'il a décidé de faire et poursuit son développement maintenant à Shawinigan. C'est pas un gros bonhomme, c'est ce qui pourrait lui nuire là en bout de ligne pour les circuits professionnels, mais toutefois on sait jamais ce que l'avenir réserve là des petits bonhommes. Il y en a maintenant plus qu'avant, on n'a qu'à penser à Martin Saint-Louis et compagnie. Alors j'ai hâte de voir ce que lui réserve l'avenir. Pour l'instant là, il est électrisant, Peter Zacharis, et c'est probablement là la prochaine coqueluche des Cataractes de Shawinigan. Déjà les partisans qui sont énormément bruyants à son sujet. On va avoir hâte de voir ça d'ici la fin de saison et ça va mettre la table pour l'an prochain. Jonathan, je veux savoir, la période d'échange est terminée. Qui maintenant vois-tu comme favori pour remporter la Coupe du Président? Ça demeure les Sea Dogs de Saint John, sans contredit. Déjà qu'ils avaient un visage plus que menaçant avec les Huberdeau et compagnie. Ils ont fait l'acquisition d'Éric Gélina à la ligne bleue, alors ça vient renforcer leur brigade. Ils ont fait l'acquisition également d'Alexandre Beauregard. Je pense pas que c'est lui qui va changer la donne à 100%, surtout pas contre un choix de première ronde. C'était très cher payé. Ça a mis la barre très haute là au niveau du marché des transactions cette année, mais quoi qu'il en soit, là, Beauregard vient grossir un peu l'alignement. C'est un bonhomme qui peut acheté Ligue 1. Un bonhomme qui a fait un peu dans le même style que Raphaël Pouliot, mais qui a acheté Ligue 1 un peu plus souvent cette année. Ils ont acquis également Mathieu Corbeil-Thériault, gardien de but. Alors vraiment, les Sea Dogs qui avaient un visage redoutable se sont encore améliorés durant la période des fêtes. Et eux, ce sera assez dangereux de les confronter en série. Donc, les Sea Dogs, sinon dans l'Ouest, peut-être au Québec, Gatineau ou Montréal? Embêtant, j'ai bien hâte de voir là, à long terme là, l'effet qu'apportera Philippe Michael DeVos sur les Olympiques de Gatineau, mais chose certaine, c'est une bonne transaction pour les Olympiques, là, bien qu'ils aient payé cher là, l'arrivée de Philippe Michael DeVos, il apportera de précieux services à Benoît Groulx d'ici la fin de la saison. C'est bon. Et en terminant, Jonathan, peux-tu nous dire deux petits mots à part la bonne performance de Peter Sakaris hier, mais sur le match d'hier qui opposait les Cataractes au Forum Nevada? Ouais, ben pas grand chose d'autre à retenir de ce match. Donc la première période était des plus ennuyantes, deuxième période un peu mieux et troisième là, on a finalement eu du bon hockey là. Les Cataractes qui tiraient derrière 2-1 jusqu'à environ une minute quelques a écoulé en troisième période. Zach Harris qui a inscrit son deuxième du match pour envoyer tout le monde en prolongation et finalement c'est le capitaine Michael Bournival qui a scellé l'issue du match avec un puissant lancer frappé au milieu de la période de prolongation. Alors ça a pas été un match qui va passer à l'histoire. Toutefois, les Cataractes vont les prendre, ces deux points-là, deux points importants au classement général. Alex Dubois qui était devant les filets, Gabriel Géard, on me disant un petit peu embêté par une légère blessure. Oui, ben il sera de retour à l'entraînement là en début de semaine, tout simplement ébranlé par un lancer et pas ébranlé au niveau de la tête, là, c'est au niveau d'une partie du corps, là, a reçu un lancer. Donc une petite raideur dans son cas, c'est pourquoi il n'était pas en uniforme hier. Toutefois, là, il va reprendre l'entraînement possiblement aujourd'hui, voire demain. Ben merci beaucoup, Jonathan. Avec grand plaisir. Hey, bonne journée. Bye. C'était Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. Vous pouvez consulter les textes en ligne sur le site de l'Hebdo du Saint-Maurice. Sinon, les gens dans la région du Grand Shawinigan peuvent lire les excellents textes de Jonathan. Donc, du côté des Cataractes, on a vu hier en Affrontant-Val-d'Or. Je vais vous parler un petit peu de Jonathan Hizun, que tant qu'à moi, un joueur de 20 ans comme ça, je m'attendais à le voir bouger, mais semble-t-il que du côté des Foreurs, on demandait un gros prix. Et on l'a pas facile du côté des Foreurs non plus. La situation financière du côté de l'Abitibi, c'est pas facile, le hockey en Abitibi non plus. On n'a pas des gros arénas, on n'a pas des arénas luxueux, donc qui peuvent attirer beaucoup de gens, qui peuvent attirer aussi beaucoup de... Ben, il n'y a pas beaucoup de loges. Donc, on se doit de garder un petit peu un noyau de joueurs intéressant. Et c'est sûr que Jonathan Hizun, ça paraît bien dans un alignement. Les Foreurs qui sont présentement au classement 14e, donc on est en position pour faire les séries. Les 17e et 18e positions sont occupées par le Drakkar de Bécomo et Rouyn-Noranda. On vous parlait tantôt du boulier qui pourrait, dans lequel le choix des Eagles du Cap-Breton pourrait se retrouver. Ben écoutez, les Cap-Bretons sont présentement au 16e rang, donc deux rangs avant les deux choix qui ne donnent pas accès aux séries, devrais-je dire. Et ils ont 27 points, ils ont 6 points d'avance sur le Drakkar de Bécomo. Le Drakkar qui a réussi à quitter la cave du classement après avoir perdu à peu près 20-25 matchs de suite. Et du côté de Shawinigan, on est au 8e rang avec 51 points et on chauffe le titan de Caddy Batters, donc ça va très bien du côté des Cataractes qui, je le rappelle, l'ont emporté hier contre les Foreurs. Et ils l'ont aussi emporté, c'était vendredi, contre les Remparts de Québec, la troupe de Patrick Roy qui était à Shawinigan devant une foule plus que pleine. Il y avait 4447 personnes à l'aréna. On le sait, Patrick Roy va tout le temps faire déplacer les foules et ça s'est continué du côté de Shawinigan. Lors de ce match, Gabriel Girard a récolté la victoire de 4-1 et on peut parler Samuel Hodd qui a récolté deux buts dans cette victoire et Sakaris qui, lui, a été chercher un but. L'autre but vient de la part de Yannick Veilleux, son 14e, chez les Voltigeurs. Donc, ça va bien du côté des Cataractes, on peut dire. Je pense que c'est très, très, très rassurant pour l'an prochain. On ne sait pas encore si on va avoir la Coupe Memorial, mais on espère et on va le savoir dans les prochains mois pour savoir qui obtient ça. On parlait des Voltigeurs de Drummondville qui étaient en action hier. C'était contre les Saguenayens de Chicoutimi. Drummondville qui a totalement dominé ce match. 38-23 les lancés dans la partie. C'est les buts du côté de Drummondville. Le but gagnant, ça s'est terminé en prolongation par contre. Donc, ça a été très chaud au niveau du pointage chez Guillaume Asselin. J'ai dit Drummondville avait gagné. Excusez, c'est Chicoutimi qui a gagné par la marque de 3-2. Un but de Guillaume Asselin en prolongation des aides à Charles Ludeau et Nicolas Therrien. Et Chicoutimi, écoutez, c'était 2-1 du côté de Drummondville. Billy Lacasse qui a fait son 13e alors qu'il restait moins d'une minute au match et qui a envoyé ça en prolongation. Guillaume Asselin qui est venu compter pour donner la victoire aux gens originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, toute la région. Une défaite crève-cœur, ça. Ben, ça fait mal. Là, quand il reste une minute, c'est le genre de choses qui fait que le retour en autobus est plutôt long. Hein? Le poulet est plus froid. Le poulet est plus froid. La pizza ne goûte pas les tomates, vraiment, ni le pepperoni. Et du côté de Victoriaville, ils étaient en action samedi. C'était contre ces mêmes Saguenayens de Chicoutimi. Cette fois-ci, les Saguenayens l'ont échappé. C'est eux qui ont dominé au lancer 33-25, mais l'autre fois, échappé 3-2, encore une fois, contre les Tigres de Victoriaville. Le but gagnant est venu en deuxième période de la part de Guillaume Goulet, sur des aides à Philippe Dano et Philippe Maillet. Et finalement, Pierre-Luc Pelletier et l'autre but. Donc, c'était... je me trompe. Ça s'est terminé en fusillade. Je parlais de fusillade et tout ça. Guillaume Goulet, c'est pas le but gagnant. C'est le but égalisateur, devrais-je dire. Alors que Chicoutimi menait 2-0. Ça fait 2-1, 2-2. Et on a les compteurs du côté de fusillade. Et bien, le but gagnant est venu de la palette de Philippe Maillet qui a déjoué le gardien de but, Christopher Gibson. Et je vous parle du match qu'ont joué les Tigres Victoriaville vendredi soir. C'était le retour de Philippe-Michael DeVos à Victoriaville. Premier match après avoir été échangé. Tu te retrouves contre ton ancienne équipe. Très émotif. Les Tigres se sont présentés. On lancé 40 fois au lancé au filet contre 27 tirs pour les Olympiques de Gatineau. Mais c'est une victoire sur toute la ligne de la part des Olympiques. 5-1. On peut parler de l'ancien des Cataractes, Tommy Tremblay, qui a compté un but. Ty Megan aussi deux fois. Et finalement, du côté de Philippe-Michael DeVos, on est venu chercher deux aides contre son ancienne équipe. En terminant les étoiles de la semaine, c'est le gardien de but Gabriel Girard des Cataractes de Shawinigan qui obtient la première étoile. La deuxième étoile va à Lucas Singel du côté de Bécomo. Et Martin Lefebvre de Québec récolte la troisième étoile. C'est ce qui conclut le hockey junior majeur pour l'instant. On va à la musique, on va aller écouter Ripper avec la chanson Rockstar. Et au retour, Philippe nous parle de soccer, tout ce qui s'est passé en Europe, l'autre côté du continent. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Rippé avec la chanson Rockstar. Donc, un peu de rock ce matin là, pour bien partir ça. Philippe, qu'est-ce qui s'est passé du côté du ballon rond cette semaine? Comme je disais tout à l'heure en début d'émission, lors de notre dernière émission, en après-midi, c'était justement on désignait qui allait affronter qui dans la ronde des 16 au niveau de la Champions League. Et des affrontements qui vont se faire en février, en fait les 15 et 16 ainsi que les 22-23. Donc, pardon. Pas de trouble. Donc, en fait, ben, les affrontements, on va avoir des affrontements intéressants et d'autres un peu plus ronflants. Mais bon, on commence directement avec l'AC Milan pardon, qui va affronter Tottenham. Donc, quand même un affrontement intéressant. On sait que l'AC Milan est assez doué en attaque avec Ronaldinho, Robinho, Pato, Inzaghi, Ibrahimovic. J'ai une petite question sur Ronaldinho, je ne sais pas si tu voulais y revenir, mais on parle de son transfert qui se ferait de plus en plus officiel vers Il semblerait, en effet, mais bon, rien n'est moins sûr. Question est la suivante. Est-ce que, parce que moi, Ronaldinho, tant qu'à moi, c'est comme une... Je veux dire, je connais pas le soccer tant que ça. Ronaldinho reste une référence pour moi en tant que bon joueur, mais en tant que joueur même extrêmement bon. Mais est-ce qu'il a ralenti dans les dernières années? Il a peut-être pas nécessairement ralenti. Bon, évidemment, il vieillit comme n'importe quel autre, mais Ronaldinho, c'est un joueur très, très technique qui va remplir le stade parce que à n'importe quel moment, il va te faire un but complètement incroyable. Très fort sur les coups francs aussi. Mais comme je viens de le mentionner, du côté de Milan, on est assez équipé au niveau de l'attaque. C'est le genre de joueur dont on peut se passer, c'est quand même drôle à dire, du côté de Milan, entre autres avec l'arrivée de Pato, Ibrahimovic, Inzaghi, c'est des piliers en attaque qui peuvent faire le travail. Ronaldinho a peut-être un rôle un peu plus effacé à ce niveau-là, donc s'il est capable justement d'aller aider une autre équipe, pourquoi pas, surtout du côté de Milan, si on est capable d'avoir un certain montant. Et sauver un certain salaire. Ou du moins d'aller chercher un joueur qui va peut-être nous aider à compléter la ligne, surtout au centre, afin de pouvoir justement leur envoyer le ballon à cette attaque assez dévastatrice qu'on a vue d'ailleurs à Montréal. Oui. L'an dernier, contre l'Impact, j'y étais. Match magnifique, beaucoup de plaisir. Et l'Impact, c'était sûrement fait dominer. Perdu 4-1. Ouais. Mais quand même, là, David Testo qui avait égalé 1-1 en fin de première mi-temps. Et puis, Ça devait être l'anarchie. Évidemment, tu t'attends pas à ce que l'Impact gagne. Puis on s'en fout un peu. L'Impact était là, c'était le fun à voir, mais les gens venaient pour Milan. Et en fin de match, Ronaldinho avait toujours pas marqué. Puis finalement, il y a eu un lancer de pénalité. Et puis justement là il a marqué, donc là c'est le toit du stade a levé. C'était assez intéressant. Autre affrontement, tantôt je parlais de l'affrontement un peu plus ronflant, Valence va affronter Schalke. Je pense que Valence va gagner, mais c'est un peu un affrontement dont je ne me préoccupe pas tant que ça. C'est pas nécessairement des équipes là qui sont pas dans tes pas non dans non tes qui cordes. Sont titulaires mettons là d'une potentielle victoire au bout de la ligne. Du côté de Milan contre Tottenham, je vois difficilement Tottenham emporter contre Milan. Un affrontement qui va être parmi les plus intéressants, cependant, Arsenal qui affronte l'FC Barcelone. Arsenal, l'équipe anglaise, munie à l'attaque, entre autres, de Theo Walcott et de Robin Van Persie, va être assez intéressante. Il ne faut surtout pas oublier non plus Marouane Chamakh en attaque de pointe, le très grand Marouane Chamakh, très fort de la tête, et André Arshavin qui a fait un but assez magnifique, justement, là, durant le temps des fêtes. Un demi-ciseau, demi-volé, demi-bicyclette, là, tout ça en même temps avec un pied au sol, de dos au filet. C'était assez magnifique à voir. Et du côté de Barcelone, évidemment, là, le futur détenteur du ballon rond qui sera là, entre autres, là, Lionel Messi, David Villa, on a Xavi Hernandez, on a une équipe pactée, comme on dit, là, ouais. Qui est vraiment Andrés Iniesta. Ça va être l'affrontement à regarder. Je pense que Arsenal peut causer la surprise, mais je vais quand même y aller du côté de Barcelone, selon moi, qui va l'emporter. Ensuite, on a l'AS Roma qui affronte Shakhtar Donetsk. Ça risque d'être un affrontement intéressant, sans nécessairement des grandes puissances ni d'un bord ni de l'autre, mais quand même, l'AS Roma, qui joue un style très italien, là, en fait, quand même assez robuste, contre Shakhtar Donetsk, qui risque de pas s'en laisser imposer, mais je crois que l'AS Roma va l'emporter. Ensuite, les pauvres Coben Van vont affronter Chelsea. Ça va un peu moins bien pour Chelsea dans les dernières semaines. On sait, en début de saison, entre autres dans la Barclays League, ils étaient complètement imbattables. Pour l'instant, ça va un peu moins bien, mais quand même, là, Chelsea qui reste une puissance incroyable avec Peter Cech, entre autres, dans le filet. En défensive, on a Alex, on a Ashley Cole. En milieu de terrain, on peut avoir John Terry. Ensuite, Frank Lampard. C'est une équipe... très, très, très bien équilibré. Et question de mettre la cerise sur le Sunday, en attaque, on a Nicolas Anelka et Didier Drogba. Donc, quand même, je vois pas vraiment Coben Van passer à travers Chelsea. Même chose du côté de Lyon qui va affronter le Real Madrid. Je vois pas comment Lyon peut traverser le Real Madrid. Meilleur gardien au monde en Iker Casillas. C'est des attaquants aussi là, très intéressants. Kaká, Juan Carlos, Higuaín, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. José Mourinho, qui est le coach du Real Madrid, fait un très bon travail en plus pour le club espagnol. Donc, je vois pas comment Lyon va pouvoir traverser cette équipe. Marseille contre Manchester United, c'est aussi un très bel affrontement. L'OM qui va de mieux en mieux, qui, elle, au contraire de Chelsea, avait parti vraiment très mal sa saison. Avait très mal débuté, entre autres également, la Champions League. Réussit à se frayer une place jusqu'en ronde des 16, affronte Manchester United. Manchester United qui, d'un bord à l'autre, est une équipe conçue pour la victoire. Edwin van der Sar dans le filet. Au niveau des défenseurs, on a Patrice Evra, entre autres, Gary Neville, Rio Ferdinand, qui, bon, n'en est plus à sa première année, mais qui reste quand même un joueur très fiable. Neville ne peut être jeune non plus. Non, évidemment. Bon, ben, Manchester United, c'est une équipe qui se fait un peu plus vieille. Entre autres, justement, bon, ben, Ryan Giggs, Paul Scholes, bon, c'est des joueurs un peu plus âgés. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis longtemps, c'est ça. C'est des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps, qui sont capables de faire des choses très, très efficaces en équipe. Et également, Manchester United, s'ils ont l'avance, ça va être très difficile de leur enlever. Et puis, bon, ben, on a des joueurs qui sont capables de marquer. Jason Park, entre autres, Wayne Rooney, évidemment, Michael Owen. William King, qui est allé de quelques belles percées cette année. Donc, Manchester United, qui devrait l'emporter face à Marseille, ce ne sera pas nécessairement facile. Dernier affrontement très intéressant, l'Inter de Milan, le fameux international qui t'avait tant mêlé en début de saison l'an dernier. pour expliquer ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'ai pas réalisé que l'International et l'Inter Milan se trouvaient à être le même club, donc, quelques ricanements. Ouais, en fait, quelques rigolades sur le dos de Nick. Donc, enfin, un affrontement entre l'Inter Milan et le Bayern de Munich. Le club italien qui Samuel Eto'o en tête contre le club allemand où c'est Miroslav Klose qui mène l'attaque. Ça risque d'être un très, très bon duel à voir dès le 23 février. Donc, ça va être très intéressant à ce niveau-là. J'ai bien hâte de pouvoir vous en parler. Là. En fait, bon, ben, à peu près en milieu de saison pour nous ici. On va revenir là-dessus. Entre-temps, ben, on va faire le tour aussi de la Barclays League, peut-être un peu de la Liga espagnole, la Ligue italienne et la Ligue 1 en France. Petite nouvelle du côté de l'Impact. Donc, le nouveau camp d'entraînement, le futur camp d'entraînement de l'Impact qui va vraiment prendre un tournage MLS. Trois matchs vont être contre des équipes de MLS. On avait l'habitude d'aller en Europe dans le cas de l'Impact et pas cette fois-ci. Non, cette fois-ci, justement, on reste du côté nord-américain. On affronte des matchs de la MLS, donc on se prépare justement pour la prochaine saison. L'identité des équipes n'est pas encore officialisée. Là. En fait, on ne sait pas qui on va affronter. Mais quand même, c'est vraiment très bien du côté de l'Impact. Là. Autant du niveau promotion qu'au niveau préparation de l'équipe, on est en mode MLS. Donc, c'est ce qui conclut? Ah ben, c'est ce qui conclut. C'est intéressant quand même, je dois dire, que l'Impact se rapproche d'une shot de même. Oui. On tente d'aller voir un peu... Ben, penses-tu qu'avec des matchs comme ça, on peut se j'ai juste le mot en anglais, là, permettez-moi l'expression, mais se gager par rapport, se comparer par rapport aux ça, autres équipes. Puis également, ce qui était bien dans les autres années, c'est les affrontements contre le Toronto FC pour le titre canadien. Oui. Ça aussi, ça aidait beaucoup à se gager, justement, à se jauger. C'est sorti ça de mes mots croisés. Donc, en fait, qui va nous permettre justement d'établir qui peut rester, qui doit partir. Grosse année de transition pour l'Impact, là, justement. On sait, on en parlait l'an dernier, là, 5 joueurs qui n'ont pas eu de contrat renouvelé. Entre autres, Wesley Charles, qui je croyais était vraiment un projet MLS. Ça m'a un peu surpris. Puis très attristé aussi Patrice Leduc, qui est avec l'Impact depuis toujours et qui finalement ne verra pas la MLS. Mais je serais peut-être pas surpris de le voir du côté des entraîneurs. Là. Peut-être avec l'Académie. Oui, probablement. Éventuellement, commencer là et fonder. Parce que ce qu'on veut aussi du côté des Patriotes, de l'Impact, c'est fonder une... Un peu à l'européenne, mais de fonder un... un couloir oui. de jeunes qui vont vraiment venir oui. du début jusqu'à une la famille fin. Avec de l'impact. Avec là, l'impact. À partir de très jeunes. Je crois que le plus jeune, le développement plus jeune, il y a eu 12 ou 13 là, dans ces eaux-là. Donc, quand même, on les prend très jeunes. Puis c'est bon, même on si. On prend le taureau par les cornes, ouais, du côté ouais, exactement. Exactement. Puis c'est bon, même si les jeunes font pas l'équipe, parce que, ben justement, ça améliore la qualité du soccer au Québec. Et ça, ce n'est que ces jeunes-là ce vont surtout bénéfique. Pouvoir bénéficier d'entraîneurs beaucoup plus, ben oui. Beaucoup plus à leur affaire, ouais. devrais-je dire, que dans beaucoup de fédérations. Est-ce que, bon, écoute, je suis bénévole là. C'est des entraîneurs bénévoles. C'est puis... ça. Puis que les, où est-ce que les connaissances, autant au niveau mm-hmm. technique qu'au niveau tactique, sont beaucoup moins élevées que ce que le club école. Et en même temps, l'académie, le programme d'académie va sûrement se lancer dans des programmes de formation pour ces fédérations-là, puis pour toutes les fédérations au Québec. Donc, au bout de la ligne, c'est la province au complet. C'est ouais. le soccer au Québec et au complet qui va en sortir gagnant. Pour ce qu'on en connaît, Joey Saputo, c'est pas le genre à laisser aller ces équipes-là, justement. Donc, il va voir, justement, s'il y a des équipes en difficulté, ben il va s'intéresser à ça. Puis, il va voir, justement, qu'est-ce qui a changé au niveau de son académie. Donc, ça risque d'être très, très intéressant pour l'avenir et c'est très bien, justement, aussi pour le passage en MLS. Là, on s'en vient avec quelque chose de très intéressant au Québec. Autre point le fun que j'ai vu, le championnat Nutrilite canadien pour, justement, classer la Ligue des champions qui va accueillir une quatrième équipe cette année, le club d'Edmonton qui va évoluer dans les... Ouais. les ben, j'ai juste les USA, mais c'est plus les USA. Ouais, non, c'est les USSFP3RZKPN233. Quelque chose de même. BB, c'est ouais, BB1099. Non, mais c'est ça, là, c'est la Ligue qui change de nom. Oui, c'est ça. Ben, la deuxième division nord-américaine. Celle dans laquelle évolue l'Impact présentement. Donc, en fait, Edmonton qui entre cette année. Compenser. Merci beaucoup. Le départ de Vancouver. Le départ de Vancouver, qui part en premier à MLS cette année. C'est ça. Montréal l'an prochain. Donc, il y aura également une autre équipe là, qui va prendre la place de Montréal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, le nouveau BC Place. Mm. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, allez voir ça sur Internet. Il y a des vidéos super intéressantes sur YouTube sur la rénovation qu'ils ont fait au BC Place suite après les Olympiques. On a changé de toit, on a rajouté des tours et c'est maintenant un toit amovible. Parce qu'on sait que les toits amovibles faits en toile, c'est tout un succès. On va pas en parler au Minnesota ou encore à Montréal. C'est un toit qui est amovible et les toiles pour les matchs de soccer vont se descendre pour venir couvrir le deuxième balcon lors des matchs de soccer pour donner une ambiance plus serrée, plus conviviale. Ils vont être élevés pour les matchs des Lions de la Colombie-Britannique au football. Regardez ça sur YouTube, là, c'est super intéressant ce qu'ils vont faire, les merveilles technologiques. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner du côté de la Colombie-Britannique. Ça va être très intéressant. Très, vraiment, ça va être à suivre. Ouais. On va une petite pause au retour, on va parler du hockey en Mauricie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. C'est fou dans vos oreilles. 89. La rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. L'inconduite de partie. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Alors, messieurs, on va parler du hockey en Mauricie, tout ce qui s'est déroulé dans les derniers jours du côté de Trois-Rivières. Tout d'abord, allons-y avec les Estacades Midget 3 qui disputaient un match contre les Élites de Jonquière. Et c'est une victoire de 4-2 de la part des Élites. Dans la défaite, on peut parler des buts de Simon Fortier et de Pierre-Olivier Grandmaison du côté des Estacades. La défaite va à l'affiche de... Oups, je ne trouve pas. Allez, c'est pas grave. La défaite va à l'affiche des Estacades. Mes notes sont tout croches. Première étoile, Samuel Landry du côté de Jonquière. La deuxième, Simon Lemieux. Et la troisième, Guillaume Lavoie. Du côté du classement de la Ligue Midget 3A, les Estacades, ben c'est pas une super saison jusqu'à maintenant. Ils sont au 10e rang avec 33 points. Par contre, entre eux et le septième rang qui est occupé par les Commandeurs de Lévis. Il n'y a que 3 points. Donc, surtout que l'an dernier, les Estacades avaient connu quand même une saison assez magnifique. Oui, c'est ça. Avaient été invaincus pendant une séquence. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs, dont Jimmy Appleby, qui n'est plus là, que ça vient nuire. Mais ça, c'est la réalité du midget 3A. On a eu un match présenté à la télévision aussi, du côté des Estacades. Et là, tu me prends au dépourvu parce que je n'ai pas le résultat. Non, mais c'était contre le Séminaire Saint-François à Québec. Et c'était un match pour les 35 ans de la Ligue Midget 3A. 35 ans de la Ligue Midget 3A. Et l'équipe de très bon RDS, match pour les Estacades. Oui, attends une minute. Écoutez, continuez à parler. Je vais vous sortir les scores. Là, si vous... 8 à 5, je crois. Mais je dirais pas. T'as ça rapidement de même, là? Mais dans ma tête, là, mais je pense que c'est la même. 4... C'est 8. Il y a un 8, toi, t'es pas mal. Il y a un 8. Tant qu'il y a un 8, là, on est correct. Ça avait très bien commencé pour les Estacades. Il y a un retour, c'est Laval, je crois. Hein? C'est au stade de l'Université Laval. C'était au stade de l'Université Laval, mais c'est pas c'est l'équipe de Saint-François. C'est le séminaire Saint-François qui s'est terminé 8-6 en faveur des Estacades de Trois-Rivières. Il y avait un 8. Donc il y avait un 8 et il y avait un 6. Donc le 6 avec la petite barre en dessous. On passe au Coron Aigué avant de dire trop de niaiseries. Le Coron Aigué qui l'ont emporté hier 2-1 face au Saint-François de Sherbrooke. Dans la victoire, c'est Marc Bocage et Steve Larouche qui se sont inscrits au pointage. La victoire va à l'affiche de Julien Ellis et Steve Larouche récolte la première étoile du côté du classement de la Ligue nord-américaine de hockey. Je vous sors ça dans quelques secondes. C'est le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce, toujours en première position avec 41 points. Le Carreau-Higuet est en deuxième position avec 36 points. Finalement, du côté des Dragons du Collège de la Flèche, on n'a toujours pas recommencé les activités du côté de eux. Par contre, ça recommence en fin de semaine et c'est un challenge, c'est-à-dire que plusieurs matchs vont se dérouler un après l'autre. Ça va se dérouler à Sainte-Foy. Tout d'abord, le samedi, les Dragons vont affronter les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent à 10h. Et le lendemain, ils affrontent le Cégep Lionel-Grou à 12h15. C'est le genre d'endroit où plusieurs recruteurs vont se déplacer pour aller voir le talent qui se joue. Donc, c'est quelque chose de quand même intéressant pour les joueurs pour essayer de se faire connaître un petit peu. Ça va en musique, on va aller écouter du mal à jupe avec la chanson Le jus de citron. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou! Bye. me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. C'était Malajube avec la chanson Le jus de citron. C'est tiré de leur album Le Compte Complet. Messieurs, messieurs, messieurs, parlons du bleu, blanc, rouge, le Canadien. Ma question en partant, je vais direct. Est-on sorti de la gang du temps des fêtes? Pas encore. Pas encore. Pas c'est, encore. C'est quoi ton, pourquoi tu dis pas encore? Ben, comme je vous en parlais tantôt pendant la pause musicale, en fait, les quatre derniers matchs du Canadien, oui, on récolte des points. 7 points sur une possibilité de 8 lors des 4 derniers matchs, mais les 4 matchs, on a besoin de temps supplémentaire. Ouais, mais on moi, n'est pas capable Vas-y. Toujours pas capable de marquer plus de 2 à 3 buts. On a des problèmes. On est constamment en train de revenir de l'arrière. Là, ça va bien. On a la chance pour nous. La game contre Boston, là. On était chanceux. Non, ben chanceux. Écoute, la déviation, là, la triple déviation qui passe entre les jambes de Thomas. Et qu'est-ce que faisait Tim Thomas à regarder la rondelle passer entre ses jambes? Je ne sais pas encore. Mais certains diront, par contre, que c'est juste que, justement, le Canadien trouve le moyen de gagner. Et ça, c'est du positif quand tu trouves le moyen de gagner. Il y a du caractère, mais... Tu peux en tirer beaucoup de positif, mais prochain match, là, une bonne victoire de 5-1, et là, je te dirais, oui, OK, on est sorti. Ça ne sera pas facile, par exemple, contre les Rangers. C'est le genre d'équipe qui peut te donner autant du bon, autant du mauvais. Ainsi va Lundqvist. Ainsi va Lundqvist, puis beaucoup d'Européens du côté des Rangers. Du côté du Canadien, on est décimé par les blessures, là, maintenant. Josh Georges, qu'on a appris durant terminé le temps des fêtes, de c'est terminé saison. Pour le restant de la saison. Wisniewski, qui a semblé mal en point également à une main dans le dernier match. Camilleri, on ne sait pas également. Hammerlick aussi, qui est blessé, on ne sait pas trop où. Spacek, qui commence à tomber en morceaux. On le voit se relever péniblement à chacun des matchs. On est à une autre grosse blessure. Là. Une blessure à Carey Price, c'est terminé. Une blessure à Plekanec, c'est terminé. Ben ça, une blessure à ton premier gardien, de toute façon, c'est terminé pour la plupart des équipes. Ce que je veux dire, c'est que... Surtout avec Alex Hall. On dépend trop, mais on dépend trop présentement du bon travail de certains de nos joueurs. Et j'aime pas du tout comment Thomas Plekanec joue en ce moment. Constamment prend des pénalités complètement stupides qui met l'équipe dans l'embarras. Et puis, bon, on continue du côté de Jacques Martin de s'acharner sur André Costitine qui pourtant mène l'équipe au niveau des mises en échec, mène l'équipe au niveau des plus et moins. Oui, mais je comprends pas. Ça va pas très bien au niveau. C'est bien beau là, de dire des mises en échec et des plus non, et moins, là, mais il n'y a pas de points récemment. Qu'est-ce qu'on dit d'un joueur offensif lorsqu'il ne marque pour qu'il conserve le bonheur, c'est qu'il faut qu'il marque, il faut qu'il fasse des points. C'est comme ça que ça s'implique. Michael Camilleri, quand il n'y a pas de points, tu le vois pas sur la glace. André Costitine, il fait pas de points, pas de passes, pas de buts, mais il y a des mises en échec. À chaque présence, il est là. Je l'ai même vu être le premier en repli défensif. Depuis quand on n'a pas vu André Costitine faire ça? Il est en manque de confiance, par exemple. Il fait sa job enfin, faire son repli défensif. C'est ça que tu vas me dire, là? Je suis désolé, mais présentement, André Costitine ne joue pas du très bon hockey. Rate beaucoup d'occasions. Le gars, il n'a pas de confiance en attaque. Ça, je suis d'accord avec vous, ça va pas bien. Mais quand même, il continue de jouer le système de Jacques Martin. Ben oui, mais il était bien beau ça, là, mais à un moment donné, c'est parce que c'est facile de dire je joue le système, mais André Costitine est là pour une chose. C'est pas pour son repli défensif, c'est pour faire des points. Et présentement, il n'en fait pas des points. Et je m'achète pas ce costume. Mais il est pas tout seul à pas faire de points, là. Non, ça c'est ça. Gomez, Genta, c'est pas si mal. Pas mais si encore mal. Là, Gomez son but, semble se reprendre un petit peu récemment, mais Plekanec, Camilleri, c'est le trou noir. Notre production offensive vient de Darche et Pouliot dans les derniers matchs. Et oui, et félicitations Benoît Pouliot qui vient de step up, là. Non, mais c'est pas normal. Oui, en effet. Tu sais, Pacioretty qui recommence à reprendre ses mauvais plis de l'an dernier. Desharnais qui finalement n'a peut-être pas... Il joue du très, très bon hockey. Là. Ça, on est d'accord avec tout le monde, mais il n'a peut-être pas nécessairement... C'est pas le Messi. Mais non, justement. Là, chez moi, on s'en va le chercher en disant que ça va augmenter la production offensive. À son premier match, là, il y avait presque la Desharnais caméra sur RDS. C'était pénible. C'est pas le Messi, voyons. Ça a toujours été comme ça à Montréal. Aussitôt qu'on amène un nouveau joueur, on Québécois, surtout. Mais ça, c'est problématique parce que... C'est comme ça. Et j'ai écrit un texte là-dessus, un peu, j'en ai parlé. Comment tu veux qu'un gars... plus accepter son rôle sur un troisième trio quand il y a autant de... Après un match... Ouais, parlais avec Maxime Lapierre. C'est ça, je parlais de Maxime Lapierre dans ce cas-ci. Où est-ce que t'es le joueur le plus... le plus demandé de la part des journalistes? Ou est-ce que toutes les petites filles te disent que t'es beau? Ou est-ce que tous les gars te disent « Hey, t'es le meilleur, t'es hot! » Ou est-ce qu'on te demande de rénover ta maison gratuitement sous les ondes de V? Dans le cas de Maxime Lapierre, c'est ce qui a coûté son poste. Incapable d'accepter son rôle avec l'équipe, de comprendre son rôle et de voir que s'il travaille pas, puis s'il donne pas ce qu'il faut, ça marchera pas. Et c'est ce qui est arrivé à Maxime Lapierre et c'est pourquoi il est maintenant un canard. C'est tout ouais, simplement ça. Ça va bien de son côté, je pense. D'ailleurs, ça se peut que ça aille bien, mais c'est le bon vieux problème de Montréal. Ouais, ben, il est bien pour... entouré aussi. Hein, ah oui, il joue sur le premier. Ben, moi aussi. Non, mais quand il joue sur le troisième, il joue avec Marchand et Lopold. Ouais. Moi aussi, avec Moi aussi, c'est ça. Là, toi puis moi, avec Marchand et Lopold, ça va bien aller. Ouais, puis c'est des gars qui sont capables de te défendre. Là. Moi, tout, je suis capable de chipper une puck puis d'avoir une passe avec ça. Là. Mais tu sais, Dernais qui a récolté la troisième étoile par les fans lors du match de samedi. En tout cas. J'ai jamais été d'accord avec le choix des fans. Ah non, ça se continue. Ouais, donc. Mais bon, c'est... Bon, chialait avant quand c'était journaliste. Il se garde une certaine gêne aussi, là, entre autres, lors du dernier match, là, Max Pacioretty, qui a été élu première étoile, là, mon œil. Ben oui, mais celui qui marque... Ben, celui vainqueur. Oui, non, mais c'est ça. But vainqueur. C'est ça, c'est correct. Mais on disait, j'ai pas vu tout le match, mais on disait que Pacioretty avait connu un de ses meilleurs matchs de la saison. Connu un bon match, mais c'est pas la première étoile. Rendu là, t'as donné à qui? Ah ben non, mais c'est sûr, c'est ça, c'est correct. C'est à lui qu'elle doit revenir la première étoile, mais c'est impossible que les fans aient voté Max Pacioretty comme première étoile durant aussi le match. Ah ouais, c'est ça, non, c'est ça, je comprends. Marc-Antoine, pour ta toute première chronique, on va parler des Bulldogs d'Hamilton. Comment ça va, Hamilton, chez les espoirs du Canadien? Ben, très bon début de saison à Hamilton. On est rendu à mi-saison. Il conserve une fiche de 21 victoires, 12 défaites en temps réglementaire et 5 défaites en prolongation, dont 4 en tir de barrage. Ils ont 47 points présentement, sont le premier de la division Nord. Il y a des joueurs qui se sont démarqués. On a parlé un peu, ils sont peut-être tous rendus à Montréal. Ça. Ouais, c'est ça, là. C'est ça qui arrive. La réalité de la Ligue américaine de hockey. Quand ça va bien, ben tu restes pas là, c'est ça qui arrive. Là. Ouais, on a David Desharnais avec 10 buts, 35 passes en 35 parties. De son côté, Max Pacioretty, 17 buts, 15 passes en 27 parties. Ben Maxwell, c'est plus son début de saison parce que présentement, ça va pas très bien pour lui. Mais en début de saison, 6 buts, 18 passes, au total de 30 parties pour lui. Dustin Boyle, depuis qu'il a été descendu En 11 parties, 11 buts. 11 buts. Ça fait juste vous prouver à quel point la marche est grande. Ouais. Elle est aussi grande quand tu montes que quand tu descends. Ouais. Dustin Boyle de Montréal ne faisait absolument rien. Dans la Ligue américaine, ça va? Il n'avait pas vraiment la chance non plus. Il jouait des 2-3 minutes par match. Non, là. C'est ça. Tu sais, à coup de 5 secondes, ça glace parce qu'il y a un hors-jeu ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça pas rajoute, long. Son rôle n'est pas pareil à Hamilton. Il y a une séquence du 17 au 30 décembre avec au moins un but par match pour un total de 10 buts. C'est quand même. Mais je comprends que son rôle n'est pas pareil, mais les gars, on s'entend que Dustin Boyle ne sera jamais un attaquant prolifique dans la Ligue nationale. Non, ne sera jamais son rôle. Non, bon, non. C'est sûr. Parfait. Du côté des gardiens, on se rappelle le 16 août, le Canadien avait échangé Cédric Desjardins au Lightning de Tampa Bay. Ouais. Cédric Desjardins ne joue pas présentement pour le Lightning, il joue pour les Amirals de Norfolk. Ben, a joué deux matchs, ouais, et ça a fait on la était une. Chercher Dwayne Rolason. Ouais. Et son casque des Islanders. Ouais, ben ça, le Zidane. Ben oui, non, c'est réglé maintenant. Il y a un casque blanc avec un logo du Lightning, mais je l'avais trouvé vraiment très drôle Je me souviendrai toujours du jour où Jocelyn Thibault est arrivé à Montréal et il y avait un casque avec des montagnes, il y avait de la neige et du sang dessus. Et c'était un des casques les plus... Je trouvais ce casque-là magnifique. Il avait juste mis deux collants canadiens. J'étais comme, laisse ça de même. Là. Il est super beau, ton casque. Il y avait Pat Jablonski aussi qui avait fait ça lorsqu'on l'avait acquis des Leafs. Il y avait des têtes de Toronto, mais en fait, ouais, c'est ça. Puis il y avait le gros logo des Leafs dans le front. Mais là, tout d'un coup, on se ramassait avec un signe du Canadien à l'intérieur du logo des Leafs. C'était vraiment très, très chic. Ben, gars, à part ça, on a porté un chandail qui ressemblait un peu trop à celui des Maple Leafs aussi. Là, le avec, vert, hein? Il était beau, le vert. Bon. Non, ben, on avait un chandail bleu avec un signe. Avec une feuille d'érable, c'était bizarre ça. Ouais. On te laisse continuer, Marc-Antoine, avec les Bulldogs. C'est ça, Cédric Desjardins qu'on a eu en retour de Kary Rameau qui évolue dans la Ligue continentale de Russie présentement. Là, on avait un peu d'inquiétude parce que Cédric Desjardins, on pensait peut-être à un moment donné, avant l'acquisition d'Alex Holt, qui pourrait venir en aide à Carey Price. Par contre, du côté d'Hamilton, Curtis Sanford, il ne déçoit pas. Il s'est classé au cinquième rang des gardiens de la Ligue américaine de hockey en conservant un pourcentage d'arrêt de 0.936. Quand même bon pour lui. Mais Curtis Sanford, ça en est un autre pour qui la marche est immense. Lorsqu'il évoluait, écoute, il a joué avec les Blues et les Canucks, si je ne me trompe pas. C'est un deuxième goaler avec des airs de troisième gardien de but. Donc, la marche est haute et c'en est un qui, malheureusement, reste d'évoluer dans la Ligue américaine de hockey pour encore longtemps. Et il s'avait blessé, je crois, pas loin. En tout cas, il s'avait blessé. Puis Robert Meyer, le second, il a aussi bien fait le travail. De son côté, c'est pas remarquable son travail, mais il a bien soutenu l'équipe qui a conservé la première position. Pour la deuxième moitié de saison, ben, je n'ai un peu parlé tantôt, là, tous les meilleurs pointeurs sont quasiment rendus à Montréal. On pourrait penser que l'organisation des Bulldogs pourrait rêver à la Coupe Calder, qui a été pour la seule et unique fois à Montréal, à Hamilton en 2007. Mais là, avec les joueurs qui sont tous partis à Montréal, ça risque d'être difficile. Ouais, David Desharnais, Max Pacioretty. Vas-y. À la fois David Desharnais et Max Pacioretty, je pense qu'on est à une bonne transaction de Pierre Gauthier près de les revoir à Hamilton. Ouais. Parce que je crois pas que si réellement là, Pierre Gauthier veut réaliser son objectif de terminer dans le premier tiers de la Ligue, on a besoin d'attaquants. On a besoin de marquer des buts et puis là, ben ça en prend un gros. Fait que d'après moi, là, il y a un des deux qui risque de retourner en bas là, dans les prochains mois. Et il y a Weber, par contre, qui devra rester à Montréal avec l'absence prolongée de Georges. Ouais. On pensait le voir revenir au retour, mais de Georges, mais finalement. C'est les réalités de la Ligue américaine. Ça va être quelque chose de quand même assez intéressant, les gars. Bon, du côté de Hamilton, on perd Weber. Mais c'est du côté de Montréal, ben en fait, on remplace Georges par Weber. C'est absolument pas le même genre de défenseur. Non. Donc là, on a Weber qui remplace Georges, un attaquant beaucoup plus offensif. On va chercher Wisniewski. Oui. Ça permet de mettre Spacek de son côté naturel, ce qui le rend beaucoup plus offensif. Est-ce qu'on a une possibilité de changer de mentalité défensive du côté du Canadien? On rajoute à ça Piqué Subin. Donc là, on se ramasse avec Al Gill, qui est un défenseur défensif pur et dur. Roman Amerlik, qui est un défenseur défensif parce qu'il n'a plus les jambes pour être offensif. Donc, est-ce que... les quatre autres... Tous les autres, même Picard, c'est des défenseurs offensifs. Ça va être très intéressant à ce niveau-là. Et pourtant, l'avantage numérique continue à pas marcher. ça va être à voir. On va devoir faire quelque chose avec ça parce que oui, en effet, on a beaucoup de défenseurs. On a de la place en dessous du... il nous reste de la place en dessous du cap. Ouais. Est-ce qu'on va chercher un défenseur défensif? Non. Non? Non, mais c'est des buts qu'on a besoin. C'est à Montréal, c'est ça qui manque. C'est des buts qu'on a besoin, mais Carey Price ne pourra pas sauver la mise à tous les soirs, là. Ah non, mais effectivement, mais on a besoin de buts. Tu gagnes pas avec aucun but. Oui, mais ça en prend juste un but. Puis c'est des bons défenseurs. Tu diras ça, mais moi, je te dirais la défensive gagne le championnat. Ouais, mais. Tu sais, ça prend un but pour gagner un match de hockey. Ouais. Tu sais? Mais du côté de Subin, fait des erreurs défensives. Spacek fait des erreurs défensives. Wisniewski fait des erreurs défensives. Même si à date, je trouve que son acquisition est excellente. Ouais. Une des meilleures dans les dernières années du côté du Canadien. Il a lancé, fait des erreurs défensives. Il a un bon lancé. J'étais fan de lui alors qu'il évoluait dans la Ligue américaine. C'est une anecdote un peu qui n'a pas vraiment de rapport. Mais moi, le bout de son bâton blanc, là. Ça me mêle complètement. C'est un bâton Warrior. Ça me mêle complètement. Je me mets à la place du gardien. Le bout du bâton est blanc. La palette est blanche. Tu ne vas jamais le voir partir. C'est un bâton Warrior. Je ne connais pas le modèle, mais qui, en effet, moi, tout quand j'ai vu les photos, je fais « Oh boy, OK. » Parce que tu le perds, le bâton. Tout à fait. Là. Tout à fait. Oh, et c'est un avantage certain, même à un tel point que... être la Ligue nationale, peut-être que je mettrais mon pied à terre. Ben oui. Au même titre qu'au football, JP Grenier pourrait nous en parler tantôt. Que les Broncos de Boise State, qui ont des uniformes bleus et qui jouent sur du gazon bleu, sont imbattables à domicile, peut-être à cause de ça. Peut-être à cause de ça. Peut-être quand on perd, on trouve toutes les raisons possibles. Oui, mais quand on gagne, on est content. C'est ça. Je te laisse terminer pour les Bulldogs. Oui, c'est ça. Donc, il y a des joueurs qui devraient en donner plus avec le départ dernier, Pacioretty et Weber et d'autres, d'ailleurs. Maxwell, qui devra retrouver ses ailes. Et Wyman, Paluchai, Fortier Dumont en avantage numérique devront en donner plus aussi. Hier, il y avait un match aussi contre Milwaukee. Ils ont perdu 2-3. Le prochain match des Bulldogs sera mercredi soir contre les Monsters de l'Aquarie. Ça reste à voir pour le restant de la saison des les Bulldogs. Les Carrier, qui sont le club école de l'Avalanche du Colorado, si je ne me mélange pas. C'est pas Hershey, le club à non, il me semble que c'est les Carrier. Écoute, je pourrais aller visiter voir continue, ça tout de suite. On va continuer, je vais y aller. Je m'en occupe. Ah non, mais je suis sur non, le non, mais j'y site. Vais, j'y vais. Ah, d'accord, d'accord. Ah, ok, non, non, ah, okay, ok. C'est bon. Yeah. Donc, pour les Bulldogs, je vais acheter. On coupe sa chronique. Ah, ben, c'est sa première chronique et on le coupe pour rien. Bienvenue. Continue, Marc-Antoine. Non, mais c'est ça. Durant cette session-ci, à l'inconduite de partie, je vais essayer de vous apporter des détails sur les Bulldogs d'Hamilton. Peut-être pas deux fois par semaine, mais... quand que ça va donner. Ouais, écoute, il y aura assez de choses à dire. Selon les l'équipe. Besoins. Ah ben oui, écoute, on va avoir du plaisir à travers tout ça. Hey, j'essaie de sortir ça. Là. Attends, là, rendu, là. C'est une course ici en Joël Chouinard appartient... à l'Avalanche, donc je ne peux qu'en déduire que c'est le club école. Tu marques un point intéressant. Ouais, ça de même. À moins qu'il ait été prêté. Ils ont pas genre comme une section mission ou notre équipe, pourquoi, ou même un logo. T'es-tu sur Wikipédia? Va sur Wikipédia. Ah, History. Non, je vais aller voir History. Mais le pire, c'est que je suis pas mal sûr. Mais l'histoire des clubs écoles, c'est compliqué pareil. Une équipe peut en avoir plusieurs. Souvenez-vous, il y a eu un certain temps aussi où Edmonton et le Canadien partageaient le même club école. Ouais. Ça arrive souvent aussi qu'il y a des équipes. Même du côté des Americans de Rochester, on parle de l'an prochain peut-être être indépendant. Ah! Tout simplement, parce que les Panthers, qui sont les propriétaires, donnent pas beaucoup de bons joueurs, puis donnent pas beaucoup de choses intéressantes. Donc, on est tanné d'être avec eux autres. Et Rochester, qui est une équipe super vieille dans la Ligue américaine, mm-hmm. et qui présentement attire pas à cause de ça. Donc, attire pas mal moins qu'avec le club école, c'était celui de Buffalo. Oui, parce que quand ça appartient à une équipe de la Ligue nationale, je pense que la mission principale, c'est pas la Coupe Calder, ça vient de la Coupe Stanley. C'est ça. Donc, avant d'aller une pause, je vous confirme en effet que le club des Lakers Monsters appartient au le club école de l'Avalanche du Colorado. Et on s'en va une pause. Au retour, JP Grenier se joint à nous. On va écouter ce qu'il a à nous dire sur le championnat national de football NCAA qui se joue ce soir. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou! À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Nounou! Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. L'inconduite de partie. TV's don't you say. Et c'était Rise Against qu'on a entendu avec la chanson Cut Off Syndrome. Se joint à nous pour parler football universitaire de là, le U. JP Grenier? Yes. Comment ça va? Ça va bien, vous? Bonne année, mon ami. Ben, bonne année, merci, merci, c'est gentil. Santé, santé. Yep. Hey, JP, on va tout de suite y aller. Écoute, on perdra pas de temps parce qu'il nous reste comme d'habitude, on est serré. Il nous reste une vingtaine de minutes pour parler football. Et c'est ce soir, Oregon contre Auburn à la Grande Danse. Deux équipes qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir au championnat national, mais qui vont nous offrir un bon spectacle, tu penses? Ben oui, super. Écoute, je pense que dans les dernières années, là, justement, ça fait changement de voir deux équipes qui sont jamais là au championnat national. Deux équipes centrées sur l'offensive. Donc, écoute, ça va être un match super excitant. On va faire un peu la perspective de ce match-là, là, les deux côtés de l'offensive, parce que c'est ça qui est au rendez-vous. Là. Parler un peu peut-être des petites... pas les insides, là, mais ce qui est entré autour du match là, qui est quand même assez intéressant. Là. Les deux équipes qui ont fortement parlé durant le temps des fêtes, puis qui sont quand même restées, je pourrais dire, ils ont pas trop été flashy, là, je sais pas comment on va dire ça en français, sauf que... c'est pas des équipes excentriques. Ils ont pas été trop flamboyants, sauf qu'ils ont quand même dit des affaires intéressantes. Là, Oregon, on le sait, c'est un programme qui s'est relevé. Eux qui ont été longtemps là, dans les bas-fonds du Pac-10, puis soudainement là, une émergence, entre autres grâce au coach Chip Kelly, là, que ma foi, il a amené un type d'offensive qu'on n'avait jamais vu. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu les deux équipes, les gars. Ben écoute, renseigne-nous, c'est sûr que je connais les plus gros noms, dont ben, Cam Newton entre autres, mais vraiment pour les gens à la maison qui connaissent pas beaucoup le football collégial américain, renseigne-nous, s'il te plaît. OK. Ben tout d'abord, je vais commencer avec Auburn, vu que t'en parlais, là. T'as tout d'abord Cam Newton à l'offensive, qui est game très freshman, c'est-à-dire le meilleur joueur universitaire au pays cette année. Avait des statistiques incroyables, là. 2500 verges par la passe avec 30 touchés quasiment. C'est surtout celle qui s'est démarquée en plus avec 1400 verges donc et 20 touchés, donc pour un carrière, c'est énorme. Lui qui est dans une classe à part, là, il a vraiment là, un peu l'image de Vince Young, là, il y a quelques années que Texas a, dans le fond, il a festifié 6 à peu près 250 livres, donc a vraiment là, une chaîne de tie-in plus que d'autres choses, donc... c'est vraiment lui le joueur clé chez Auburn qui constitue en plus une des meilleures défensives. Là, donc, Oregon va avoir du pain sur la planche à soir. Là. son histoire est quand même un peu spéciale. Là, Écoute, était deuxième carrière derrière Tim Tebow avec Florida il y a 3 ans. Il a vu que ça ne marchait pas là-bas. Donc, il s'est fait transférer dans un junior college au Texas. Tout simplement à brûler la ligue, sauf que c'est sûr que dans ce temps-là, t'es pas mal meilleur que tout le monde quand c'est comme si Crosby irait jouer dans la Ligue américaine. C'est une bonne comparaison. C'est un peu comme ça. Malgré qu'il était pas au premier carrière à Florida, l'équipe qui était la meilleure au pays, donc il aurait pu être numéro un partout ailleurs. Puis après une année passée dans les junior college, il a transféré à Auburn. Ou qu'on leur a offert terre et monde, là, son père qui était investigué là-dedans aussi, là, il y a eu plusieurs problèmes personnels, sauf que, écoute, les Tigers sont ramassés avec lui, puis cette année, tout simplement beaucoup trop dominant, là. Il est tout seul. Il est tout seul, puis au niveau offensif, il a ramassé tous les honneurs. Mais là, ce matin, j'aimerais ça te parler de mon équipe de coup de cœur, les Ducks d'Oregon. Ah, écoute. Oui, c'est vrai, toi, t'es... t'es pas de mon bord là, pour ça. Là. Non, écoute, juste donner quelques statistiques. Ici, là, en moyenne, on récolte 537 verges par match, 50 points. Puis, ce qui est assez incroyable avec eux, je sais pas si vous avez vu leur système d'offensive qui est, ma foi, innovatrice. C'est-à-dire, sur les lignes de côté, les entraîneurs tiennent des pancartes dans leurs mains. Okay. Puis, les joueurs, à partir de ce moment-là, sont capables de savoir les jeux qui vont être au menu. Là. C'est-à-dire que Oregon, ça leur prend en moyenne 7 secondes à réaliser chaque jeu. Donc, c'est rapide, là, la défensive. Ce qu'on dit, c'est que lorsque Michael James est plaqué au sol, ça prend 7 secondes à l'équipe pour relancer le jeu pour la prochaine passe, la prochaine course. Là. Donc, écoute... Attends, si mais, moi, je veux en savoir plus. Ils tiennent des pancartes, là, puis il y a des codes dessus, là, comme si j'appelais, genre, comme si je faisais un code morse, là, un peu. Là. Oui, un peu, c'est comme... c'est des pancartes avec quatre images par-dessus. Donc, une image, il y aurait un logo de l'équipe, l'autre, une photo de Nicolas, un autre, un chien, ça, par un exemple. bon, ben, c'est ça. Ça, c'est une course dans le sens. On regarderait ça à soir. Oh, oui, c'était ça. Puis, j'imagine que selon la séquence du jeu, il y a un entraîneur qui est comme désigné pour lui choisir les jeux. Mais, écoute, c'est assez incroyable, là, les équipes qui ont pas été capables, pas en tout, de les contenir durant la saison. Puis, ils sont tellement rapides que les joueurs, parce que, écoute, il n'y a personne qui était capable de les accoter cette année. Là. La seule équipe qui était capable, c'est California. Puis les joueurs sur le terrain, ils faquaient des blessures. Donc, de California? C'est la seule équipe qui a donné du fil à retordre à Oregon. Puis c'est parce qu'ils faquaient des blessures là, sur le terrain après les matchs pour ralentir le tempo, pour donner un break aux joueurs parce que... Écoute, Oregon, c'est vraiment toute une machine. T'as plusieurs coachs de la NFL qui ont déclaré qu'il serait peut-être, il y aurait de la misère là, contre cette offensive-là. Donc, écoute, j'ai hâte de voir ça ce soir. Auburn, qui représente quand même une force en défensive, là, avec trois des quatre joueurs de ligne défensive qui vont être au draft cette année dans la NFL. Le cornerback est excellent aussi, donc... je pense que, contrairement à l'an passé... Le match de ce soir va vraiment être offensif, puis ça sera pas un match à sens unique, là. Ça va se décider à la fin. Ah oui, ça va être serré. Parlant de parce qu'il y a rien de plus plate qu'un championnat national qui se finit par une différence de 22 points, là. L'an passé, ça avait été de même, si je me trompe pas, aussi, là, puis c'était Alabama l'an dernier, si je me trompe pas. Alabama contre Texas. Ouais. T'avais Colt McCoy qui s'était blessé comme au deuxième... Ah, c'est ça. À deuxième séquence offensive, il est jamais revenu. Garrett Guilford qui avait quand même très bien fait, sauf que quand même écoute, le gars n'a jamais parti de match dans sa vie, puis au championnat le plus important de universitaire, le tout mon homme gagne contre Alabama. Vas-y, grand. Non, dans ce temps-là, tu l'as pas trop facile. Vraiment pas. Puis au sujet d'Oregon, écoute, j'ai lu des articles intéressants là-dessus. Tantôt j'ai parlé de l'émergence du programme. Écoute, pour là, quelques années, dans les années 90, pour ceux qui ne sauraient pas, c'était une risée, là, pas des belles installations, programme là, qui avait à peine la misère à gagner 5 matchs dans l'année. T'as le fondateur de Nike, Phil Knight, qui est arrivé dans le portrait. Lui qui est un ancien de l'université, là, a brièvement étudié là-bas. Ouais, ben, pourquoi pas changer ça? En plus, on sait que Nike est situé là, en Oregon. Là. C'est ça. C'est à peu près à la même place. Là. Non, j'ai oublié la ville. Là, Eugene, exactement, c'est ça. Donc, Phil Knight arrive dans le portrait. Puis, depuis les années 90, dans le fond, depuis qu'il est arrivé dans le portrait, on dit qu'il a environ amassé 300 millions pour le département athlétique de l'équipe. 300? Hey, tu ferais quoi au Québec avec 300 millions pour ton département d'athlétique? Ça paraît comme trop, là. Donc, dont un centre sportif d'entraînement de 41,7 millions. Donc, on est loin de Jacques Tanguay avec le Roger Or ici. Ouais, mais je pense qu'avec 300 millions à Québec, ils vont mettre ça sur rajouter une coupe d'étage sur le massif. Donc, ouais, donc je pense que les joueurs puis les équipes d'Aragon, tu sais, je pense que ça leur dérange pas tellement d'avoir l'air ridicule avec leur uniforme. Puis, écoute, si je te dis, Nicolas, ton université va changer d'uniforme, vous allez être laid, sauf que je t'amène 300 millions dans la... Ouais, je suis en train de regarder les highlights là, un peu de la saison justement des Oregon. Ils sont pas toutes laids, les chandails. Ah, il y a des suits intéressants. Celui qui ressemble aux Packers, il est quand même bien. Là, moi, personnellement, j'aime bien ça avec le casque blanc. Puis, Les ailes? Le suit mauve, là? Bon, j'ai fait le saut. On n'est même pas sûr ils ont combien d'uniformes, les... Ben écoute, c'est ça, là, on a posé gros la question, qu'est-ce que ce soir il allait revêtir, donc... On va en avoir un nouveau, là. C'est sûr. Ben, la réponse du directeur athlétique, c'est le chandail blanc, les pantalons blancs, le genre de casque, là, qui est... Comme un fibre de carbone. En carbone, exactement. Écoutez, écrivez Oregon Ducks Uniforms juste sur Google Images. Elle sort l'image, là, la deuxième, là, si je me trompe pas. Ouais, la deuxième. Et puis là, on va sortir. Bien le casque. Exact. On va sortir les Seahawks, là, ici. Des bas. Il appelle ça des glow, là. C'est comme un peu un vert fluo. Ah. Les souliers blancs. On aime avec, ça, des. Ben oui. Avec le petit crochet Nike vert fluo. Donc, ça va être les chandails ce soir pour Oregon. Hey, même, je regarde ça, même leurs chandails de baseball sont laids. Il y en a un, il y a juste un gros O en avant, jaune, comme on voit pas, là. Non, mais c'est intéressant, ça. C'est pas intéressant. On a un développement, là. Il y a une équipe qui essaye un peu n'importe quoi. Non. Il y a une compagnie qui essaye n'importe ouais, quoi. Ben, avec ouais, mais tu sais, la compagnie, elle te donne 300 millions. C'est ça. L'argent achète tout, donc... c'est ça, là, Michael James, le joueur étoile d'Oregon, qui a déclaré... si tout le monde se paye une visite à Oregon et leur facilité, ben, leurs installations, en tant que 17-18 ans, qui voudrait pas y aller, tu sais, ça va être gros, puis en plus, Chip Kelly, qui est un entraîneur des plus sous-estimés, je penserais pas qu'il perde la NFL, sauf que son système, il est parfait pour le college. Non, il innove, puis le système des pancartes, là, cette année, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis là, Auburn, on leur a tout demandé s'ils allaient essayer de simuler des blessures. L'entraîneur qui a dit « Ah non, j'irai pas jusque-là ». Sauf que si c'est la seule façon de gagner, peut-être qu'on va voir ça. Là. JP, je viens de voir le officiellement ce qu'ils vont porter ce soir. C'est pas beau, c'est vraiment... Ah non, arrête, c'est vraiment... Moi, j'adore. Ah non, ah, c'est j'adore, ça fait très futuriste. J'adore. Moi, je suis de l'avis Jean-Philippe, j'adore. Ah, j'ai l'impression d'écouter Jetson, là. Les numéros sont gris, le casque est carbone. J'ai l'impression d'écouter Tron. Oui, il y a des numéros sur l'undershirt. J'adore ça. Vraiment pas ça. C'est vraiment beau. Moi, je vais... Mais bon, ça se tiendra pas là-dessus. Hey, continue, JP. Ben là, j'aimerais ça savoir un peu vos prédictions. Ben là, écoute, moi, je reste du côté d'Auburn. Je pense qu'ils ont les plus beaux uniformes. Puis c'est... Non. Non, je reste du côté d'Auburn. Je pense qu'ils ont... Auburn va sortir avec le football classique, avec Cam Newton, qui est une force. Mais tu m'as surpris. Je n'étais pas au courant pour la façon de faire leur stock du côté d'Oregon. Et ça pourrait être... Je pense que ça va resserrer le match. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir comment ils gèrent un match. J'ai jamais vu un match d'Oregon cette année. Donc, comment ils gèrent ça. J'ai hâte de voir ça. Je sais pas pour toi, Marc-Antoine. Ben franchement, je voulais juste savoir, c'est-tu la première fois qu'au football, on voit ça, le système de pancarte, c'est-tu eux qui ont innové ça ou ça vient de où, cette idée-là? C'est tout nouveau. Ça prend peut-être au secondaire, ça s'est déjà fait là, pour les petits bantams, leur montrer, parce qu'on s'entend que leurs connaissances sont pas aussi élevées. Donc, sérieusement, là, ça doit venir des écoles secondaires, right, puis ouais. des niveaux plus mineurs, mais écoute, à ce niveau-là, moi, c'est la première fois que je vois ça. Ton côté, Philippe, prédiction? Oregon? Oh, oui. Moi, Oregon aussi, de ton côté, là. Regarde, le 50 points par match, puis le 550 verges parle par lui-même. Malgré qu'Auburn, ils ont pas non plus quelqu'un qui peut faire la différence en fin de match, là, comme on l'a souvent vu dans ces matchs-là. Là. Donc, Cam Newton, ça va être... S'il joue bien, il peut faire la différence. On l'a vu, Auburn est revenu de l'arrière plusieurs fois cette année, entre autres Alabama et Caroline du Sud. Là, donc, c'est ce qui fait en sorte que je trouve qu'ils sont moins prétendants. Oregon, qui n'ont pas eu de difficulté à battre n'importe qui, donc ils sont pas mal plus convaincants. Oregon, qui a une excellente défensive aussi. Là, les cornerbacks, là, c'est, en français, c'est les... Demi-coins, justement. Là, bon, ceux qui couvrent les receveurs de passe sont excellents du côté d'Oregon. Cam Newton va devoir être précis comme il l'a jamais été. Je comprends que oui, c'est le trophée Heisman. C'est un excellent carrière. Mais d'après moi, Oregon, la défensive d'Oregon va avoir le dessus sur Cam Newton. Donc, JP, tu voulais-tu nous parler de quelques résultats de bowl ou... Écoute, c'est TCU, ils ont gagné le Rose Bowl. C'était pas mal le match le plus important. Content pour eux là, d'aller gagner un gros bowl comme ça. Puis encore une fois, de la mettre d'en face à tout le monde pour dire, gars, c'est pas parce qu'on vient d'une petite conférence qu'on peut pas gagner. Mm. Et ça, même si TCU, je pense, s'en va dans le Big Ten l'an prochain. Très content pour eux. Il y a aussi Oklahoma qui l'ont emporté facilement, on dit UConn. Oui, ça c'était à prévoir aussi. Ça c'était à prévoir. Ohio State. J'ai un blanc, le Ohio State. Arkansas. Ah, oui. Arkansas. Sur le All-State Sugar Bowl. Exactement. Ouais. C'est terminé en faveur de Ohio State encore là. Il y a Stanford aussi qui a battu Virginia Tech pour le Orange Bowl. Dans c'est ça. On n'avait pas de surprise cette année comme les autres années. Là. Peut-être même un des matchs les plus intéressants que j'ai vu, moi, c'était Notre-Dame-Miami. Ouais. Au Sun Bowl. Ouais. Donc, c'était l'UDC puis c'était intéressant. Donc, ce soir, c'est vraiment là, c'est le dernier match. On va essayer d'en profiter. Là, la Ligue qui offre tout le temps un des meilleurs styles de jeu, un des meilleurs spectacles à la télé. Donc, bon match, les boys. Un bon sac de Tostitos. Oui, avec bien de la salsa. Exactement. De la forte. De la forte, là, pas de la douce. De la douce. Oh, de la douce, voyons. Hey, les boys, on parle-tu à NFL? Il nous reste un petit 3 minutes à peu près. Vos prédictions, moi, je suis 2 en 2 en fin de semaine. J'avais dit... Non, t'es 2 en 4. Oui, 2 en 4, c'est 2 en 2. Allez, moi, samedi, le football, le samedi, ça a l'air, c'est pas pour moi. Mes prédictions étaient tout croche. Ouais. Mais j'avais dit les Saints et j'avais dit les Colts. Donc, point. Ben, moi, en fait, j'avais les Jets et je persiste à dire que c'est pas les Jets qui ont gagné, c'est les Colts qui ont perdu. Malgré tout, là, je suis quand même content de ma prédiction. Mais on peut quand même lever notre chapeau à Vinatieri qui, encore une fois, c'est le Mariano Rivera du baseball. Mais cette fin de match-là a été une conséquence d'erreurs de coaching une après l'autre. En 3e et 5, les Jets qui doivent avoir le premier jeu puis qui vont pour la grosse bombe, ça redonne le ballon aux Colts qui, là, justement, amène Vinatieri aux 50 verges, fait le botté. Puis par la suite, ben il reste 18 secondes à faire. On prend un temps d'arrêt du côté des Colts. Et même, on a vu Peyton Manning se demander pourquoi on prend un temps d'arrêt. Laisse Sanchez aller. Tu sais, en tout cas, c'était un peu bizarre du côté des Colts qui ont amené la victoire des Jets. Mais, très mal géré le cadran du côté des Colts. Ça leur a coûté le match. Ouais. Et mes Eagles qui, malheureusement, ont perdu sur une interception en fin de match. Ah, ben ouais, ça, c'était ma seule tristesse du week-end. Très content de voir les Packers l'emporter dans ce match-là. Je pense honnêtement, les Packers vont affronter les Falcons la semaine prochaine. C'est fini pour les Packers. Moi, je crois que les Packers peuvent passer à travers des Falcons. Ils ont une équipe que j'adore, une bonne défensive. Puis Aaron Rodgers est capable d'aller chercher ses cibles. J'ai confiance. Avez-vous vu, les gars, la course de Marshawn Lynch sur 77 verges du côté des Seahawks? Avec le beau Stephon. Écoute, 9 fois les joueurs... j'ai un blanc là, qui... Des Saints, justement, ouais, qui affrontaient les Seahawks, sont devenus pour plaquer Marshawn Lynch et il n'en était pas question. Monsieur Lynch s'en allait dans la zone début. Un touché super important là, qui a un peu marqué l'issue du match. Les Seahawks sont venus surprendre les Saints chez au Superdome, donc ça va être intéressant aussi à regarder les Seahawks. Là. Contre les Bears. Oui, contre les Bears. Je vois pas vraiment comment ils vont pouvoir traverser ça, mais on sait jamais. Et ça continue la semaine prochaine. La NFL qui va encore nous offrir comme 4 matchs, aucun un par-dessus l'autre. Donc, qu'on peut voir toute l'action. Et quel programme de marketing de la part de la NFL? Ils sont pas battables. Hey, JP, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci, les gars. Ce soir, au championnat national, c'est sur les ondes de TSN qui nous présente ça en prime time. Et manquez pas ça, du bon vieux football collégial comme on l'aime. Merci beaucoup, JP. Merci, les boys. Au revoir. Alors, c'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se laisse en musique avec... Pas cette semaine, hey, pour... Mais c'est non, ce c'est vrai, c'est vendredi. On est là vendredi. On est là vendredi, deux fois par semaine. Donc, on va être ici vendredi pour vous donner toute l'information que vous voulez à propos du sport de partout à travers la planète. Et bien, c'est ce qui conclut pour aujourd'hui. On se laisse en musique avec Le Reflet de Vanessa Parieter. Pour mes collaborateurs, Philippe Doucet, Marc-Antoine Navoie, je suis Nicolas Ducharme. Vous pouvez nous rejoindre en studio live à commercial@inconduitedeparti.com et le site web inconduitedeparti.com. Bonne semaine! Bonne journée! Je vais m'habituer!